Là, on est sur une boîte. Hello, Captain Mo. How are you doing? E. Je parle anglais comme mon bar à prenant tout en live. Là, on est sur une boîte. T'as tout changé, fallait pas y toucher. Very fine, thank you, a little bit drunk, but everything is okay. Greeting from Paris. Merci Caillou. Juste un little. Comme stupide vietnamien guys give me too much sake. Ah ça y est, chat. Comment ça se fait que t'es entré avec mon pseudo Sharon Paris? Enfin, it's me. Oh. Ok, I am on board, computer. That's me. Sharon ne parle pas. Ouais, Kevmo, juste un little bit. Very little. Toi, t'es chat, et. Ouais, chat, Sharon ne parle pas. C'est moi. En fait, c'est moi quand je suis. Ok, now we have two computers. Chatting. Non. Non, Kevmo. Not red wine. We eating Vietnamian. Comment on dit? En anglais. Vietnamese. And we got sake. Sake. C'est sacrément bon. Désolé, Caillou, on n'a pas bu de vin rouge. On a bu du saké. On a mangé des flamiens, donc on a bu du saké. En plus, on n'a pas bu du vin rouge, on a bu du rosé. Du rosé de province, hein. Oh, bah, pour moi.